Il fut un temps où tout était simple. Nous avions un modèle de système solaire, le nôtre. Les petites planètes telluriques devant, les géantes gazeuses derrière et les vaches étaient bien gardées. Mais en 1995, patatras, la première planète détectée en dehors d'un système, de notre système, était une géante gazeuse tout près de son soleil. Depuis plus de 20 ans et avec aujourd'hui près de 4000 exoplanètes confirmées, nous disposons de toute une collection d'astres étranges, parfois très similaires, souvent très différents, mais il en reste un qui continue d'échapper à nos observations, celui qui hébergerait la vie. Exoplanètes, observez-les toutes, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer la recherche d'exoplanètes, notamment grâce au nouveau satellite TESS mis en orbite il y a une quinzaine de jours, et puis pour faire le point sur nos connaissances à ce sujet, qui de mieux précisément pour faire le point qu'Anne-Marie Lagrange, bonjour. C'est une blague d'astrophysicien. Bonjour. Qu'on a dû vous faire tout au long de votre carrière, j'imagine. Assez souvent. Rapport pour nos auditeurs au point de Lagrange, je vous laisse chercher sur internet de quoi il s'agit. Anne-Marie Lagrange, bref, vous êtes directrice de recherche CNRS, astrophysicienne à l'Institut de planétologie et d'astrophysique et membre de l'Académie des sciences. Et vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Isère à Grenoble. Et nous sommes ici en direct à la Maison de la Radio à Paris avec Jean Schneider. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Paris. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture et en complément via notre fil Twitter où nous allons poster un certain nombre d'images, de liens vers des études pour compléter bien le fil de notre discussion. Ça se passe sur le compte @laméthodefc. Ceci étant dit, je l'évoquais à l'instant, le télescope spatial TESS pour Transiting Exoplanet Survey Satellite vient d'être mis en orbite, c'était le 19 avril dernier. En quoi va-t-il contribuer à la découverte de nouvelles exoplanètes, Jean Schneider? Le satellite TESS utilise la méthode dite des transits, c'est-à-dire il attend qu'une planète passe devant l'étoile, entre l'étoile et nous. Et quand la planète passe devant l'étoile, ça fait une petite éclipse que le satellite est capable de détecter. Alors, le satellite va pointer plusieurs régions du ciel pendant 3 mois chacune. Et donc pendant ces 3 mois, il observe 24 heures sur 24 quelques milliers d'étoiles. Et sur ces quelques milliers, statistiquement, il y a des planètes qui vont passer devant leur étoile. Anne-Marie Lagrange, TESS, alors on reviendra hein, sur les outils qu'il s'agisse comme TESS de satellite ou au contraire d'outils de surveillance au sol, de télescope au sol, mais en quoi TESS vient prendre le relais ou va permettre de mieux voir, de mieux scruter ou de découvrir plus de planètes que ses prédécesseurs? En fait, il, contrairement à ses prédécesseurs du type Kepler ou Corot, qui étaient aussi des satellites qui cherchait des planètes par la méthode des transits, TESS va avoir deux avantages, c'est qu'il va s'intéresser aux étoiles proches, ce qui fait qu'on aura beaucoup plus de possibilités après, une fois le transit détecté, d'étudier les planètes qu'il va trouver. Il faut savoir que la méthode des transits nous donne une information seulement, si je puis dire, hein, sur la période orbitale des planètes, donc le temps qu'elles mettent pour faire un tour autour de leur étoile, et sur leur rayon. On n'a pas, avec les transits, on ne détermine pas la masse des planètes. Et par exemple, pour les planètes qui avaient été découvertes par Kepler, on a les rayons, mais bien souvent, on n'est pas capable d'avoir la masse parce que les étoiles sont trop faibles pour être suivies avec d'autres techniques. L'avantage là, c'est que les étoiles étant brillantes et proches, on va pouvoir les suivre en particulier avec une autre méthode qui est la méthode des vitesses radiales, qui va pouvoir nous donner, en combinant les données de TESS et des vitesses radiales, on pourra accéder à la masse de ces planètes. Et ça, c'est un paramètre qui est extrêmement important, bien sûr. Et on revient. Un deuxième avantage de TESS, c'est qu'il va couvrir quasiment tout le ciel. alors que ses prédécesseurs faisaient des études pointées en direction de certaines régions du ciel, là, il va vraiment couvrir quasiment tout le ciel. Et je le disais à l'instant avant que vous ne poursuiviez, on reviendra tout à l'heure hein, sur cette différence entre la méthode des transits et la méthode des vitesses radiales qui effectivement permettent, qui sont les deux grandes méthodes, avec évidemment celle de l'observation directe, mais qui on verra est bien plus complexe, qui sont les deux grandes méthodes d'observation et de détection de ces exoplanètes. Mais avant d'en arriver là, peut-être peut-on faire un rapide point sur ce que l'on sait, ce que l'on a découvert aujourd'hui. Le décompte que je me suis procuré, je parle évidemment sous votre contrôle à l'un et à l'autre, 3728 planètes dans 2794 systèmes, dont 622 ont plus d'une planète. Est-ce que ce sont les chiffres que vous, dont vous disposez également, Anne-Marie Lagrange? Oui, alors ce sont des chiffres un peu approximatifs, parce qu'on sait que parmi les planètes ou les objets qui sont annoncés comme des planètes, certains au final seront des fausses détections, ce qu'on appelle des faux positifs, dans le sens où par exemple pour la méthode des vitesses radiales, pour revenir à elle, ce qu'on mesure normalement c'est la masse inférieure de la planète, c'est la masse fois le sinus de l'angle par rapport à la ligne de visée. Et donc, toute planète, quand on dit qu'on a trouvé une planète de masse temps avec les vitesses radiales, en fait, c'est le m fois sinus i. Alors, on sait très bien qu'il y a des planètes, en particulier celles dont le m sinus i est le plus élevé, par l'effet de l'inclinaison, finalement, ce seront peut-être pas des planètes, mais des naines brunes. C'est un exemple. Des naines brunes qui sont des toutes petites étoiles. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Jean Schneider, sur ces statistiques d'environ 4000 exoplanètes observées aujourd'hui. Bon, d'une part, je confirme naturellement ce que dit Anne-Marie. Et d'autre part, il y a des planètes qui sont... Il y a encore des candidats en gestation d'être confirmés. Donc, ce qui nous ramènerait à plusieurs milliers, jusqu'à à peu près 6000. Les chiffres que je vous citais sont ceux qui sont disponibles au 1er février 2018. Évidemment, il reste encore des clichés, des images à analyser. Que peut-on dire de ces planètes de façon générale? Quels sont les enseignements que l'on peut tirer? C'est-à-dire, en quelques mots, comment peut-on les décrire? Quelle est la majorité des planètes que l'on a observées? Sont-ce plutôt des planètes gazeuses, plutôt des planètes telluriques? Comment peut-on les décrire collectivement? Et puis, on rentrera au fur et à mesure de cette heure et de la discussion dans une finesse et dans la précision. Mais d'abord, un panorama d'ensemble, Anne-Marie Lagrange. Alors, je dirais qu'il y a en gros 3 ou 4 paquets. Il y a le paquet des Jupiters chauds dont vous parliez tout à l'heure, donc des planètes massives de type Jupiter qui se trouvent près de l'étoile. Donc ça, c'est une première classe d'objets, si vous voulez. Il y a une autre classe d'objets qui a été découverte en fait, qui était aussi une surprise par rapport à ce à quoi on s'attendait par analogie avec le système solaire. C'est ces planètes qu'on appelle les super-terres, qui ont des masses intermédiaires entre les masses des planètes telluriques dans le système solaire et les planètes géantes. Alors on a les super-terres qui font jusqu'à 1,5-1,7 fois le rayon de la Terre. Et au-delà, on a un creux après. Et après, il y a au-delà de 1,7, 2 rayons terrestres, on a ce qu'on appelle les mini-Jupiter ou les sous-Jupiter. Donc ça, c'est aussi une classe d'objets. Et il y a une autre classe d'objets qui a été découverte et qui est très intéressante. Ce sont les planètes géantes massives qu'on a découvertes cette fois-ci en imagerie, qui orbitent, elles, très loin de leur étoile, à plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'unités astronomiques. Donc plusieurs fois là, bien très loin par rapport au système solaire. Une unité astronomique, pour rappel, c'est la distance Terre-Soleil. Voilà. Et pour donner un ordre de grandeur, je parle sous votre contrôle, la dernière planète du système solaire, Neptune, c'est 40 unités astronomiques, c'est ça, de mémoire? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc en fait, on a ces 3 grosses classes d'objets détectés jusqu'à maintenant. Et en fait, quand on regarde bien, aucune de ces classes d'objets n'a de représentant, si je puis dire, connu dans le système solaire. Jean Schneider, quelles sont les autres observations que vous pourriez faire à propos aujourd'hui de l'état de nos connaissances et des observations que l'on a pu faire? Peut-être une piste aussi, c'est qu'on détecte souvent des planètes qui sont beaucoup plus proches de leur Soleil que ce que l'on connaît ici dans notre système à nous. Oui, Anne-Marie Lagrange vient essentiellement de caractériser les planètes par leur masse et leur rayon. Il y a une autre caractéristique des planètes, c'est leur orbite. Une des grandes surprises, ça a été que la moitié à peu près des orbites des planètes sont pas du tout circulaires comme dans le système solaire, mais des orbites elliptiques, parfois très elliptiques. Le maximum, c'est une ellipticité de 90%. Donc, ce qui change évidemment beaucoup de choses sur ce qui peut se placer potentiellement à la surface de ces planètes, puisqu'on imagine que plus elles s'éloignent de leur Soleil, plus elles se refroidissent. Et ce qui, bien sûr, a une influence sur leur climatologie. Il y a cela, et puis aussi sur la proximité des planètes que l'on observe de leur étoile. Je pense par exemple à un système dont on a beaucoup parlé, le système TRAPPIST, qui contient l'intégralité des étoiles observées dans une distance qui est l'équivalent de la distance Soleil-Mercure, c'est-à-dire la plus proche planète de notre système solaire à nous, Anne-Marie Lagrange. Oui, alors en fait, ça a été une des grandes surprises. Hein. C'est la proximité de certaines planètes par rapport à leur étoile, soit de manière individuelle, soit aussi de manière en termes d'architecture, s'il y a plusieurs planètes. Et ça, maintenant, on l'explique par... on sait que ces planètes-là se sont vraiment... vraisemblablement pas formés près de leur étoile, aux distances où on les observe aujourd'hui, mais que, au moins pour les plus massives, elles se seraient formées plus loin, au-delà de ce qu'on appelle la ligne des glaces, c'est-à-dire la ligne qui sépare l'endroit où les régions où l'eau est sous forme de glace ou liquide ou vapeur, et elles auraient ensuite migré vers l'intérieur. Donc ça, on voit, ça nous donne déjà des informations sur la façon dont les systèmes planétaires se forment et surtout évoluent au cours des premiers millions d'années, probablement, ou des premiers centaines de millions d'années. Et je vais renvoyer les auditeurs à l'émission que nous avions consacrée précisément à la préhistoire ou au tout début de l'histoire de notre système solaire, avec le modèle de Nice, le Grand Tac, et le fait que certainement l'observation des exoplanètes nous indique, et puis d'autres observations évidemment, que les planètes de notre système n'ont pas toujours été à la place où on les observe aujourd'hui. Nous y avions passé une heure, c'était passionnant. Je vous engage, si vous avez le temps aujourd'hui, en ce 1er mai, d'aller jeter une oreille à ce podcast qui était tout à fait passionnant. Peut-être autre chose aussi, Jean Schneider, sur les exoplanètes que l'on observe aujourd'hui sont toutes relativement, enfin la plupart, évidemment pas toutes, mais relativement proches de nous en termes d'observation, proches de notre système. Elles sont proches, la plupart sont proches de notre système, c'est dû à la méthode de détection. Nous avons essentiellement évoqué jusqu'ici la méthode des transits, des vitesses radiales et de l'imagerie directe. La méthode des transits et des vitesses radiales est limitée par la brillance de leur étoile. Or, les étoiles qui sont trop loin de nous sont pas assez brillantes pour pouvoir utiliser la méthode des transits et des vitesses radiales. Quant à l'imagerie, c'est la même chose. Évidemment. Et par contre, il y a une méthode qui permet de détecter des planètes. Alors, les planètes que nous parlions jusqu'à présent sont au maximum à 1500 années-lumière. Mais il y a une autre méthode qui permet de détecter des planètes presque 10 fois plus loin. C'est la méthode dite du microlensing. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode du microlensing? Ça utilise une propriété prévue par la théorie d'Einstein de la lumière. Quand la lumière d'une étoile ou d'un objet passe tout près d'une autre étoile avant de nous arriver, cette lumière est amplifiée. Donc, si vous avez une étoile qui est loin de nous, mais au cours de son mouvement dans la galaxie, passe par hasard près d'une autre étoile, son éclat est amplifié. Et c'est comme ça qu'on peut détecter des planètes très lointaines. C'est la méthode de l'antigravitationnel en français, je crois que c'est la traduction. Si vous voilà, dont nous avions parlé déjà à une ou deux occasions dans cette émission. On va vous remettre un lien pour vous expliquer avec un graphique ce phénomène qui est peut-être effectivement plus facile à visualiser quand on a le graphique de l'antigravitationnel sous les yeux. Effectivement, Anne-Marie Lagrange, vous confirmez 90% des exoplanètes détectées à moins de 2000 années lumière. Ça veut dire que toutes les exoplanètes, pour le moment qu'on a détectées, sont dans notre galaxie, sont dans la Voie lactée ? Oui, oui, tout à fait. On est vraiment, pour l'instant, capable de sonder que notre univers très proche. J'ajouterais quand même qu'il y a un ou deux cas possibles de l'antigravitationnel dans une autre galaxie. Ouais. Dans quelle galaxie ? C'est très large. Je me souviens pas. D'accord. Oui, Anne-Marie Lagrange ? Non, c'est effectivement très marginal. Hein. L'essentiel des informations, on les a très proches. Ouais. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h17 sur France Culture, en ce mardi 1er mai, nous parlons des exoplanètes en compagnie d'Anne-Marie Lagrange qui est avec nous en duplex depuis Grenoble avec Jean Schneider ici à la Maison de la Radio. Peut-être un cas avant de revenir sur les méthodes d'observation, hein. On en a déjà dit un mot, la lentille gravitationnelle à l'instant, mais plus précisément des transits et des vitesses radiales. Peut-être un mot aussi pour dire quelque chose d'assez contre-intuitif sur quelques cas particuliers. On parle beaucoup du fait que finalement il est assez courant dans l'univers, pas seulement dans notre galaxie, mais en tout cas de ce que l'on a pu observer, d'avoir des systèmes d'étoiles doubles. Est-ce qu'on a détecté beaucoup aujourd'hui d'exoplanètes autour de ces systèmes à double étoile, Anne-Marie Lagrange ? Alors pour l'instant, on en a détecté très peu, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. C'est simplement que dans les méthodes traditionnelles, vitesse radiale, même souvent imagerie, on a tendance à éviter les systèmes doubles très très serrés parce qu'ils vont gêner l'interprétation, plutôt l'analyse des données. Donc, on en a détecté quelques-uns, mais très très peu. Mais ça ne veut pas dire de nouveau. Hein, ça veut vraiment pas dire qu'il y en a pas. En revanche, s'il y en a, ils vont être à des séparations vraisemblablement. Ils pourront pas être. Les planètes ne pourront pas être n'importe où. Parce que à certains endroits, elles seraient éjectées très vite du système. Donc, il doit y en avoir, mais à des endroits particuliers. Et vous venez de le mentionner, on parle de planètes éjectées du système. Alors, c'est une sorte d'arlésienne de l'observation et de la quête des exoplanètes. Ces fameuses planètes qui auraient été éjectées, ces planètes errantes. Aujourd'hui, on n'en a toujours pas observé. C'est très compliqué. Est-ce qu'on va pouvoir en observer, est-ce qu'on pourrait en observer un jour, Jean Schneider, puisqu'elles ne sont autour d'aucune étoile. Donc, a priori, elle reflète quasiment aucune lumière. Est-ce qu'on pourrait malgré tout tomber dessus par hasard ? Alors voyons les méthodes. Voyons les méthodes. La méthode de vitesse radiale ne dit rien. Parce que pour détecter une planète errante, soit on détecte vraiment la planète elle-même, soit on détecte l'effet qu'elle a sur le fond du ciel. Sur son environnement. Il n'est pas impossible qu'une planète errante passe devant une étoile très très lointaine derrière. Mais là, la probabilité est extrêmement faible. Donc, le rendement de cette méthode est faible. La méthode des vitesses radiales, par principe, ne marche pas, puisque la méthode des vitesses radiales déduit l'existence d'une planète du comportement de l'étoile au cours de laquelle elle tourne. Enfin, il y a l'imagerie directe, qui a priori est la méthode la plus prometteuse, mais ces planètes errantes, à moins qu'elles soient chaudes, émettent très peu de lumière, et puisqu'elles n'ont pas la lumière d'une étoile voisine à réfléchir. Ou alors il faudrait qu'elles soient extrêmement proches. Anne-Marie Lagrange, oui. Oui, je voulais dire, on connaît quand même quelques objets isolés qu'on appelle naines brunes ou sous-naines brunes, je ne sais plus, qu'on n'appelle pas planètes parce que la définition d'une planète, c'est qu'elle tourne autour d'une étoile. Mais on connaît quelques objets qui sont extrêmement froids et sans doute assez peu massifs. Mais simplement, on ne les appelle pas des planètes. Alors peut-être, puisque nous sommes dans les méthodes, explorons-les, on reviendra sur la méthode des transits, puisque vous en avez une forme de paternité, Jean Schneider, de cette méthode des transits. Avant tout, la méthode des vitesses radiales, Anne-Marie Lagrange, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi cela consiste? Comment est-ce qu'on peut déduire, grâce à cette méthode, l'existence d'une exoplanète autour d'une étoile? Alors en fait, comme d'habitude, on revient aux lois de la physique. Hein. Les lois de la physique vous disent que si un corps, comme une planète, tourne autour d'une étoile, en fait, elle tourne autour du centre de gravité qui est formé entre l'étoile elle-même et la planète. Et de la même façon, l'étoile tourne aussi autour du centre de gravité du système. Seulement, elle tourne très très peu, ce qui veut dire que le centre de gravité du système est très proche de l'étoile. Néanmoins, il existe. Et l'étoile tourne autour de ce centre. Ce qui va se passer, à certains moments, donc, quand on regarde une étoile qui est loin, de temps en temps, selon sa configuration, elle va se rapprocher de nous, parfois elle va s'éloigner. Et au cours de ce mouvement, la vitesse de l'étoile, qu'on appelle la vitesse radiale, c'est-à-dire la vitesse qui est projetée sur la ligne de visée, va alternativement baisser, augmenter. Cette vitesse va suivre une sinusoïde ou une courbe, disons, périodique. Très régulière. Régulière, qui va nous indiquer qu'il y a probablement une planète autour de l'étoile. Ça, c'est alors, il faut faire quand même attention parce qu'on sait maintenant que l'activité des étoiles, vous savez, les étoiles ont une activité souvent liée au magnétisme, va créer à la surface de l'étoile ce qu'on appelle des spots, hein, des taches froides ou parfois des régions brillantes qui peuvent perturber l'analyse, les vitesses radiales de l'étoile elle-même. Et donc, ça crée ce qu'on appelle un bruit qui parfois peut être pris pour un signe, comme un signe de présence de planète, alors qu'en fait c'est juste l'étoile. Mais disons, la plupart du temps, il s'agit, quand on a de belles vitesses, de belles variations très très reproductibles de vitesse radiale des étoiles, c'est parce qu'il y a une planète autour. Les méthodes de vitesse radiale qui aujourd'hui est je parle aussi de votre contrôle, celle qui permet le plus de détection d'exoplanètes, peut-être plus aujourd'hui que la méthode dite des transits, c'est un tiers, c'est ça? Non, c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus de transits. C'est dans l'autre sens. C'est l'inverse, c'est deux tiers, un tiers, autant pour moi. C'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. Alors, Jean Schneider, cette méthode dite des transits, vous avez commencé à la proposer dès 1988, donc, 7 ans avant la détection de la première planète. Il y a deux types de transit, vous l'avez déjà expliqué, hein, le transit primaire, c'est-à-dire quand la planète fait une éclipse en passant devant son soleil, mais on parle aussi de transit secondaire. Oui, quand la planète passe derrière l'étoile. Et alors, qu'est-ce qu'on observe quand la planète passe derrière l'étoile? Si la planète n'est pas complètement obscure, soit elle réfléchit une partie de la lumière d'étoile, soit elle est chauffée par l'étoile et émet donc un petit rayonnement infrarouge. Donc dans les deux cas, l'éclat du total étoile plus planète, la planète disparaît, donc son éclat, la contribution de son éclat à l'éclat total diminue, et c'est l'équivalent d'une éclipse. Alors ça, c'est pour les observations indirectes. De temps en temps, il y a d'autres méthodes de détection dites directes, quand on arrive à observer directement la planète. C'est évidemment beaucoup plus rare, puisque les planètes émettent moins de lumière que les étoiles, mais on a trouvé quelques systèmes, notamment en faisant appel à ce que l'on appelle la coronographie. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au LESIA, l'Observatoire de Meudon, pour mettre un œil dans la lunette, disons, virtuelle. Oui, enfin, c'est plutôt l'œil de Raphaël Galichet qui m'a éclairé. Il est chercheur au LESIA, vous l'avez dit, et spécialiste de l'imagerie directe d'exoplanètes. Il m'a montré des images prises il y a quelques années déjà de l'étoile Beta Pictoris, des images où on peut y voir la planète Beta Pictoris B, celle que vous avez découverte, Anne-Marie Lagrange, en 2008. Mais pas seulement, on y voyait aussi un disque de poussière et du gaz, car au-delà de l'exoplanète, c'est tout un système qu'on cherche à étudier pour comprendre comment se forment les systèmes extrasolaires et enfin pouvoir les comparer avec le nôtre. Par imagerie, on cherche à détecter des planètes autour d'étoiles très jeunes, parce qu'on sait que si les étoiles sont jeunes, leurs systèmes planétaires sont jeunes, et donc les planètes sont jeunes, et donc elles émettent plus de lumière. Donc on étudie les planètes jeunes et proches de nous, proches du Soleil, parce que cela revient à dire que la séparation angulaire entre la planète et l'étoile est grande, donc plus facile à détecter. Est-ce que de cette manière-là, on n'exclut pas un certain type de planète qui pourrait être à différentes distances de son étoile ? Bien sûr. En fait, toutes les techniques de détection d'exoplanètes ont des biais observationnels. Les techniques des transits et des vitesses radiales vont détecter les planètes qui sont très proches de leur étoile, jusqu'à une ou deux unités astronomiques de leur étoile. Les techniques d'imagerie directe vont détecter des planètes qui sont plutôt loin de leur étoile, dans la partie externe des systèmes exoplanétaires. Donc on a besoin de toutes les techniques pour sonder l'ensemble des exoplanètes qui existent. Et il y a aussi d'autres critères, c'est que les techniques du type transit ou vitesse radiale vont pouvoir détecter des exoplanètes qui sont plutôt autour d'étoiles pas trop actives, parce que si les étoiles sont actives, elles risquent d'avoir des signaux qui ressemblent à la présence d'une exoplanète. On ne sait pas distinguer l'éclat d'une étoile en fin d'activité et d'une planète qui serait en transit autour. Voilà, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que l'étoile peut avoir par exemple des taches stellaires qui vont rester à la surface de l'étoile et qui vont tourner sur la surface de l'étoile et qui vont avoir la même signature dans la luminosité mesurée qu'une planète qui sera en train de transiter. Alors là, on a une image que vous avez obtenue, vous avec vos équipes. Alors, ça, c'est l'image qui a été publiée par Christian Marois en 2010, où on voit quatre exoplanètes, donc la planète B, planète C, planète D, planète E, qui orbitent autour d'une étoile qui est masquée sur cette image. C'est une image coronographique, où la lumière... C'est-à-dire coronographique. Donc coronographique, c'est quand on a masqué la lumière de l'étoile optiquement dans l'instrument. On l'a filtré optiquement pour réussir à voir le signal des planètes qui sont autour. Ce qu'on voit au centre, c'est de la lumière résiduelle parce qu'on n'a pas réussi à faire un filtre parfait. Mais les quatre points qu'on voit à l'extérieur, donc B, C, D, E, sont les quatre exoplanètes qui orbitent autour de cette étoile. Donc on a au centre de l'image l'étoile éclipsée, entre guillemets, et autour gravitant les quatre planètes bien visibles. Et alors ces quatre exoplanètes sont des planètes jeunes qui font plusieurs fois la masse de la planète Jupiter. Donc ce sont des géantes gazeuses. Et ce qui est très intéressant dans ce système, c'est que si on regarde plusieurs images prises à différentes époques, donc on voit au centre qu'il y a toujours de la lumière résiduelle de l'étoile, mais on observe toujours les planètes B, C et D. Et si on fait une étude précise, on peut montrer même que les quatre planètes orbitent dans le même plan. Et ça, c'est très intéressant parce que si aujourd'hui elles orbitent dans le même plan autour de leur étoile, c'est qu'elles se sont formées dans le même plan. Enfin, un peu comme notre système solaire. Un peu comme notre système solaire. Et c'est quelque chose d'assez important, parce qu'avant 1995, la première détection d'une exoplanète autour d'une étoile de la séquence principale, on avait un modèle de formation qui fonctionnait très bien, les planètes telluriques petites proches de l'étoile, les géantes gazeuses loin de l'étoile, tout allait bien, on avait assez bien compris comment ça se formait, par accrétion, etc. Première exoplanète détectée, c'est une géante gazeuse très très proche de son étoile. Et là, ça remettait en question les modèles de formation des planètes. Donc on s'est posé la question, jusqu'où il faut remettre en question ces modèles? Et donc ce type d'observation avec quatre planètes qui orbitent aujourd'hui dans le même plan nous conforte dans l'idée que les planètes se forment dans un disque de poussière et de gaz comme on le disait avant 1995. Il y a un autre exemple qui est cette image de Beta Pictoris B, donc ici c'est la planète, le petit point lumineux. Au centre, toujours pareil, c'est la lumière de l'étoile qu'on n'a pas bien réussi à atténuer. Et on voit sur cette image composite le disque de poussière et de gaz qui est un peu plus loin que la planète. Et ce qui est intéressant, c'est que cette planète, quand on l'observe dans le temps, en fait on l'a vu passer derrière son étoile et elle revient aujourd'hui proche de son étoile. Et une fois de plus, quand on étudie l'orbite exactement de cette planète, eh bien, elle se trouve à être dans le plan du disque de poussière et de gaz. Donc c'est un deuxième exemple où on a une évidence que la planète s'est formée dans le disque de poussière et de gaz. Alors après, ça ne permet pas d'expliquer la diversité des exoplanètes qu'on connaît aujourd'hui. Principalement, on a détecté des géantes gazeuses très proches de leur étoile, et ça, on n'a pas du tout ça dans notre système solaire. On a détecté des planètes de type ce qu'on appelle super-Terre, donc des très grosses planètes telluriques. Pareil, on n'a pas d'exemple dans notre système solaire. Donc notre système solaire aujourd'hui est quand même assez unique dans tous les systèmes exoplanétaires qu'on connaît. Mais on ne connaît que à peine 4000 exoplanètes aujourd'hui, donc il y a beaucoup à découvrir. Voilà le reportage du jour que je vous voyais regarder, écouter plutôt attentivement. Jean Schneider, Anne-Marie Lagrange, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Anne-Marie Lagrange, peut-être pour commencer. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Raphaël Galichet. Il a dit que le système solaire, pour l'instant, on n'avait pas d'analogue. En fait, on n'est pas capable aujourd'hui de détecter des systèmes planétaires analogues au Soleil. On n'a pas encore les capacités techniques. Donc, il faut bien voir qu'effectivement, on a détecté 4000 planètes, ou presque, mais c'est très très peu. Et ça ne recouvre pas l'ensemble des possibilités, sans doute, l'ensemble de la diversité des systèmes planétaires. Et on n'est pas capable aujourd'hui finalement de dire si le système solaire est quelque chose de commun ou au contraire de très rare. Vous dites parce que non, on n'a pas encore les capacités techniques d'observer un système qui serait similaire au système solaire. Pourquoi, particulièrement sur un système similaire à celui du Soleil ? Alors, si on parle déjà des planètes géantes du système solaire, elles sont très loin de leur étoile. Donc en fait, pour les observer globalement, il faudrait les observer avec des techniques directes, en imagerie directe, comme on essaie de le faire. Et on n'est pas capable encore aujourd'hui parce que le contraste entre la planète et les planètes géantes et leur étoile à l'âge du système solaire, donc plus de 4 milliards d'années, est trop grand. Donc nous, on est capable pour l'instant de faire des images que de planètes très jeunes, qui font quelques dizaines ou peut-être 100 ou 200 millions d'années. Donc on n'est pas capable d'observer les planètes lointaines du système solaire. Quant aux planètes très proches, celles qui font qui sont moins massives que la Terre, on n'a pas la capacité à le faire. Et on n'est même pas capable aujourd'hui de détecter des sœurs de la Terre autour d'autres étoiles de même type que le Soleil. Parce que les planètes telluriques du système solaire sont trop petites. Parce qu'elles sont, en fait, le petit déplacement de vitesse, par exemple en vitesse radiale qu'elles créent, est très petit et son amplitude est très faible, est faible et on est gêné par ce dont parlait Raphaël et dont je vous parlais un peu plus tôt, c'est-à-dire l'activité des étoiles elles-mêmes. Le bruit. Il faut chercher un petit signal de faible amplitude et il faut l'observer pendant typiquement un an ou deux ans et ça c'est très long et pendant ce temps l'étoile elle a son activité qui varie de surcroît, donc c'est extrêmement compliqué. Jean Schneider, sur ce... Je précise juste un point qu'a abordé Anne-Marie Lagrange. Elle disait que les planètes jeunes sont plus faciles à détecter par imagerie. Pourquoi ça ? Parce que, étant jeunes, elles sont pas encore complètement refroidies. Donc, elles émettent un rayonnement infrarouge. Et c'est celui-là qu'on peut détecter. Et on ne peut pas détecter, par contre, le rayonnement réfléchi. Donc, pour conclure sur ce reportage, ça n'est pas parce que l'on n'a pas détecté encore de système similaire au nôtre que le nôtre est particulièrement atypique, c'est parce que nous n'avons pas encore les moyens techniques de discerner, de découvrir ce genre de configuration. Il est aussi atypique parce que on peut détecter un système analogue ou l'autre par transit. Anne-Marie Lagrange n'a pas l'air d'accord. Par transit. Je pense plutôt que il est possible qu'intrinsèquement, notre système solaire soit moins particulier que ce qu'on dit. C'est l'avenir qui le dira. Anne-Marie Lagrange. Je ne connais pas. Enfin, les méthodes de transit, a priori, ne vont pas être capables de détecter des planètes très lointaines. Donc toutes les géantes du système solaire, on les aurait pas détectées en transit. La base de temps n'est pas suffisante. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For Her love may come and tap you on the shoulder some starless night, just in case you feel you wanna hold her. You'll have a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. And just in case you feel you want to hold her, you'll have a pocket full of starlight. Pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. For when your troubles start multiplying, and they just might, it's easy to forget them without trying. With just a pocket full of starlight, catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. Catch a Falling Star de Perry Como sur France Culture à 16h37, puisque nous parlons d'exoplanètes tout au long de cette heure en compagnie d'Anne-Marie Lagrange qui est avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Isère. Anne-Marie Lagrange qui est directrice de recherche CNRS, astrophysicienne à l'Institut de planétologie et d'astrophysique et membre de l'Académie des sciences, et ici depuis la maison de la radio avec Jean Schneider qui est astrophysicien à l'Observatoire de Paris. Nous parlons donc des exoplanètes tout au long de cette heure. Alors, on a évoqué au début de l'émission la mise en orbite de satellite TESS qui va observer, qui va partir à la recherche de nouvelles exoplanètes. Il y a d'autres instruments qui vont entrer en service prochainement. Il y a bien sûr le James Webb Télescope, alors dont le lancement a été retardé récemment encore par la NASA, mais qui doit prendre la suite de Hubble. Il y a également des observatoires terrestres, l'ELT, qui devrait ouvrir bientôt. Qu'est-ce que ces nouveaux appareillages devraient nous permettre de discerner mieux, plus précisément que ne le font les équipements actuels, Anne-Marie Lagrange? Alors, le télescope James Webb va pouvoir faire, entre autres, de la spectroscopie des exoplanètes, c'est-à-dire qui permet d'étudier leur atmosphère. Et ça, ce sera aussi, il va être très complémentaire de TESS pour cela. TESS, comme on l'a vu tout à l'heure, va détecter des exoplanètes. Les vitesses radiales au sol vont mesurer leur masse. Et JWST, donc le James Webb Space Telescope. Va faire de la spectroscopie et va nous dire quel est le contenu moléculaire ou atomique de l'atmosphère de ces exoplanètes. Donc c'est extrêmement complémentaire. Donc on va effectivement avoir des informations qui se recoupent. Il y a aussi quelque chose de relativement neuf, même si ça ne date pas d'aujourd'hui, mais qui va permettre peut-être d'aller plus vite, c'est l'assistance d'algorithmes pour analyser les quantités pharaoniques de données qui vont être produites par ces différents équipements. Jean Schneider, aujourd'hui, quand on a effectivement des terras et des teraoctets d'observation spatiale qui tombent, on n'a plus les moyens de lire ces observations uniquement à l'œil nu. On a besoin d'assistance algorithmique. Sur ce point, je crois que je laisserai plutôt à Anne-Marie Lagrange, mais un bon exemple est le satellite Gaïa, qui, il y a quelques jours, a livré les positions et le mouvement de plus d'un milliard d'étoiles. Et dans un ou deux ans, il va en déduire il va livrer ses conclusions sur l'existence de planètes qui tournent autour de environ 10 000 étoiles. On anticipe qu'il va détecter environ 10 000 planètes par une méthode qui lui est propre. Et effectivement, Gaïa s'appuie sur des milliers de gigaoctets. Anne-Marie Lagrange, sur cette assistance algorithmique devenue nécessaire aujourd'hui à toute pratique de l'astrophysique et de la cosmologie, compte tenu, encore une fois, de l'écrasant volume de données qui est récolté par ces nouveaux équipements. Alors ça, vous le dites, c'est tout à fait révolutionnaire et effectivement, il y a plein d'observations ou d'analyses de données qu'on n'aurait pas pu faire il y a quelques années, simplement parce qu'on n'avait pas la capacité de traiter de grosses masses de données, des centaines de milliers d'objets ou plus parfois. Donc ça, c'est un premier point où on voit que on est très dépendant des développements informatiques et algorithmiques. Il y a un deuxième exemple qui nous touche vraiment beaucoup aussi, c'est la capacité de développer des algorithmes complètement nouveaux. Parfois, là maintenant, on parle beaucoup de machine learning ou des choses comme ça. Et là, il s'agit pas forcément d'étudier des quantités extraordinairement massives de données, mais de les étudier avec un regard différent, de les analyser de manière très différente. Et si on regarde déjà, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure, Raphaël Galichet a parlé tout à l'heure de Beta Pictoris et du système à quatre planètes autour de HR 87-99. Dans les deux cas, alors par exemple dans le cas de Beta Pictoris, on a annoncé la détection de la planète en 2008. Et en fait, la planète, on l'a trouvée dans des données qu'on avait prises en 2003. Les données étaient là, la planète était là dans les données. Mais simplement, on n'avait pas les bons algorithmes, on n'avait pas compris assez de choses à cette époque-là. Et on n'avait pas non plus, on n'avait pas les mêmes capacités d'analyse pour la trouver. Un autre exemple, c'est l'autre système dont il a parlé, HR donc 87-99. Christian l'a annoncé en 2008 aussi pour la première. En fait, elle était déjà là dans des données du télescope spatial, mais simplement, on n'avait pas des algorithmes assez fins pour les détecter. Donc, ces deux aspects un peu différents. Il y en a un, c'est capacité de traiter des grosses masses de données, et l'autre, capacité de traiter des masses de données de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus précise. Une question qui est posée par un de nos auditeurs qui nous communique avec nous via le fil Twitter de l'émission avec la méthode FC, qui est une question effectivement que je ne vous ai pas posée tout à l'heure, mais qui peut se poser pour ces nouveaux équipements. Est-ce qu'on va pouvoir aussi avoir accès à des planètes qui ne seraient pas dans le même plan de l'écliptique que nous, Anne-Marie Lagrange? Alors, dans le plan de l'écliptique de l'étoile, c'est déjà le cas, hein, pour les vitesses radiales. On a vu justement, et ça aussi c'était une surprise, des planètes se balader sur des orbites inclinées par rapport au plan de rotation de l'étoile. On en a vu tourner dans des sens différents de la rotation de l'étoile. Tout ça, on en connaît déjà. Hein. Et ça, c'était quelque chose de pareil, qu'on n'attendait pas. Alors on arrive dans la dernière partie de cette émission. On va évidemment poser la question que tout chasseur ou toute chasseuse d'exoplanètes a forcément quelque part dans un petit coin de la tête, c'est de savoir, c'est une chose de trouver des planètes. Ça se pose évidemment la question de trouver des traces ou des biomarqueurs, des biosignatures, bref, des traces de vie sur ces planètes. On l'a dit tout à l'heure, est-ce que finalement la réponse à cette question, est-ce qu'on va pas passer relativement vite dessus, puisque vous l'avez dit l'un et l'autre, Jean Schneider, Anne-Marie Lagrange, finalement aujourd'hui les seuls systèmes que l'on peut observer, les seules planètes que l'on peut observer sont des planètes très jeunes, dans des systèmes particuliers qui sont finalement très différents de notre système qui a 4 milliards et demi d'années, je le rappelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens techniques, observationnels, de mettre le doigt, de trouver des planètes sur lesquelles on pourrait détecter, dans l'atmosphère par exemple, en spectroscopie, une biosignature de l'oxygène ou pas? Jean Schneider, qu'en pensez-vous pour commencer, Anne-Marie Lagrange après? De façon sûre, on pourra dans quelques années, avec le satellite Plateau qui va être lancé en 2026 par l'Agence spatiale européenne. Pourquoi ? Parce que Plateau va pouvoir détecter des planètes par transit, comme TESS, mais plus loin de leur étoile, et donc vraiment dans la zone habitable d'étoiles de type solaire. Parce que TESS ne peut détecter des planètes que sur des orbites de quelques mois, et ne peut pas détecter des planètes sur des orbites d'une année. Donc on aura vraiment des planètes dans la zone dite habitable, que nous n'avons pas encore définie. Mais que, dont nous avons beaucoup parlé ici, la zone habitable, la zone boucle d'or. Anne-Marie Lagrange l'a un peu évoqué tout à l'heure en parlant du point de glace, c'est-à-dire la zone habitable qui est la zone où l'eau peut se trouver et se maintenir à l'état liquide en fonction de la nature de l'étoile et de la proximité de la planète. Un mot, Anne-Marie Lagrange, aujourd'hui sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons les moyens? Est-ce que les nouveaux équipements dont je parlais, l'ELT, le JWST, TESS, peuvent nous pointer ou nous aider aujourd'hui à découvrir des planètes qui auraient une biosignature? Alors en fait, la question est complexe. On va un jour détecter des planètes qui sont dans ce qu'on appelle la zone habitable. Mais attention, le terme de zone habitable, c'est un terme qui est impropre. Comme vous l'avez dit, il est lié juste à la présence d'eau liquide. On sait très bien que la présence d'eau liquide sur une planète, enfin, on le sait très bien. On n'a aucune raison de dire que ce soit une condition suffisante à l'apparition de la vie. Il faut vraisemblablement... Enfin, on peut imaginer qu'il faille beaucoup d'autres ingrédients pour que la vie apparaisse, ne serait-ce que une atmosphère peut-être, si on parle de la vie à la surface de la Terre. Il faut qu'il y ait une relative stabilité des conditions autour de la planète. Donc là, les choses ne sont pas du tout claires. Une orbite plutôt circulaire, il y a plein de choses. Mars, par exemple, est dans la zone habitable de notre étoile. Et Mars, n'habite plus la vie, même si elle a pu peut-être l'habiter à une autre époque. Voilà, il se trouve qu'elle a une atmosphère extrêmement ténue, le champ magnétique pourrait jouer un rôle, enfin que sais-je. Donc on connaît très très mal ça. Ensuite, vous parliez de détecter des molécules. Oui, on va détecter un jour probablement, j'imagine, de l'oxygène et du dioxyde de carbone, ça on en a déjà détecté, sur des planètes qui sont situées dans cette fameuse zone habitable. Est-ce que ça voudra dire qu'il y a de la vie? C'est encore un pas à franchir. C'est extrêmement difficile, je crois. Alors, on n'est pas tous d'accord là-dessus, hein. Mais imaginons qu'on trouve de l'oxygène sur une planète. Je suis pas sûre qu'on puisse dire, on est sûr d'avoir trouvé de la vie. C'est un problème d'inversion. Bien sûr. Quels seraient, Jean Schneider, les marques? Est-ce qu'il existerait des marqueurs chimiques indiscutables de l'existence de la vie sur une planète? Et si oui, quels seraient-ils? À mon avis, non. Indiscutable. Ou alors des indices, disons des marqueurs chimiques qui pourraient être des indices favorables. Il y a deux types de marqueurs. Il y a, comme vient de le dire Anne-Marie Lagrange, des molécules dans l'atmosphère de l'étoile qui en elles-mêmes ne sont pas des molécules biologiques. Dans l'atmosphère de la planète. Dans l'atmosphère de l'étoile, de la planète. qui ne sont en elles-mêmes pas des molécules biologiques, mais des sous-produits possibles d'une activité biologique. Et puis il y a d'autres marqueurs qui sont des couleurs particulières de la planète. À savoir, des couleurs particulières, c'est-à-dire pour le dire rapidement, de la chlorophylle, ou d'une chlorophylle généralisée. C'est-à-dire détecter un rayonnement vert. Détecter un rayonnement... Alors, pas un rayonnement vert, justement. Mmh. Il faut un petit peu entrer dans les détails. Allez-y. Sur Terre, toutes les plantes ont un pouvoir réflecteur important dans l'infrarouge, à peu près à 0,75 microns, alors que le vert, c'est plutôt 0,4-0,5 microns. Les plantes réfléchissent beaucoup plus de lumière dans l'infrarouge que dans le vert. Donc on se tourne plutôt vers la réflectivité infrarouge. Donc si on trouve une forme particulière de spectre qui ne ressemble à aucun spectre connu de minéral, parce que il y a des banques de données de spectres de réflectivité de tous les minéraux. Et si on trouve un spectre qui ressemble, qui n'est pas dans ces bases de données, c'est une indication, c'est naturellement pas une preuve, que peut-être c'est des molécules complexes biologiques. Anne-Marie Lagrange, votre opinion là-dessus, est-ce qu'en croisant un certain nombre de données, effectivement un indice chimique via la spectrographie, plus quelques indices de type réflectivité dans l'infrarouge, comme vient de l'indiquer Georges Schneider, ça commencerait à faire un faisceau de présomptions intéressant? Voilà, ça fera un faisceau de présomptions intéressant, comme vous l'avez dit, ça ne sera pas une preuve de l'existence de vie. Mais c'est déjà extrêmement intéressant. Oui, Jean Schneider. Je voudrais un peu introduire ou insister sur un avenir qui ne préoccupe pas suffisamment la communauté astronomique. On aura des indications beaucoup plus fermes le jour où on saura faire la cartographie multipixel, comme on dit, d'une planète. Il y a un point que nous n'avons pas du tout abordé, c'est qu'aujourd'hui, et pour encore quelques années, une planète ne peut être vue comme un point. Donc de ce point de vue-là, on ne sait pas grand-chose sur elle. Mais le jour où on pourra avoir une cartographie, voir s'il y a des forêts, par exemple, sur une planète, là, on aura fait un grand pas. Mais là, on parle d'observation directe, on parle oui. d'un progrès technologique qui n'est pas encore, pour le moment, tout à fait à portée, disons, à moyen terme. Qui n'est pas à portée à moyen terme avant le 2040. Il faut peut-être préciser aussi quelque chose, Anne-Marie Lagrange, parce que quand on parle de recherche de vie, repréciser aussi ce que ça signifie à l'échelle temporelle pour d'autres systèmes, même des systèmes proches. Rappeler que sur 4 milliards et demi d'années, grosso modo, si on y va un peu à la louche pendant 4 milliards d'années, si quelqu'un avait regardé la Terre dans notre direction avec des outils plus performants, il n'aurait pas perçu grand-chose. Oui, c'est ça. Puisque la vie... Non, vous avez non, mais c'est, voilà, finalement, vécu la situation. La vie a duré finalement assez peu de temps par rapport à l'âge de l'étoile. Je voudrais rebondir sur ce que disait Jean Schneider à propos de l'imagerie des terres multipixels, c'est-à-dire faire une image résolue, comme on dit, des planètes. Le rêve, ce serait de faire ça combiné à de la spectroscopie. Avoir eu des informations spectroscopiques pour chaque pixel. Et là, on aurait vraiment des indications extraordinaires, bien plus précises que tout ce qu'on peut avoir maintenant. Il faut peut-être aussi rappeler deux, trois autres éléments, parce que c'est vrai que avec les vagues de découvertes d'exoplanètes, la presse généraliste, ça fait toujours évidemment un peu rêver. Donc quand on s'en saisit, je pense par exemple au système TRAPPIST, on dit « Ah, formidable, voici un système de X étoiles, dont au moins 3, 4, 2, etc. Peut potentiellement abriter de l'eau liquide, puis on se rend compte à un moment donné que l'axe de la rotation de la planète est fixe par rapport à celui du Soleil, ce qui a priori exclut, en tout cas est très défavorable pour l'apparition de la vie. Il y a aussi la question évidemment de l'orbite, plus l'orbite est elliptique, moins c'est favorable, que tout ça malgré tout, et il y a un certain nombre de paramètres qui compliquent énormément les choses et qui font que les statistiques sont très largement dans l'état actuel de notre capacité d'observation en défaveur de la lecture d'une forme de biosignature ou d'observation d'une planète où la vie aurait pu apparaître, Anne-Marie Lagrange. Oui, je pense que vous avez raison. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est extrêmement intéressant de savoir s'il y a de la vie, de trouver des exoplanètes dans la zone habitable, et on travaille tous très fort autour de ça. Mais il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est aussi de savoir tout simplement comment les systèmes planétaires se forment. La Terre a pu se fabriquer, avec quelle échelle de temps, et quand je dis la Terre, c'est aussi toutes les autres planètes du système solaire. Et ça, en soi, c'est des questions extrêmement riches. On progresse beaucoup là-dessus. Il faut quand même voir qu'il y a 20 ans, on connaissait quasiment rien sur les systèmes planétaires extrasolaires. En 20 ans, on a fait des progrès énormes. Il y a peu, je pense, de domaines. On a la chance, disons, de vivre dans un temps où on a complètement explosé nos connaissances dans un domaine. Et aujourd'hui, justement, l'analyse de ces systèmes planétaires que l'on a pu, vous l'avez dit, observer, on ne peut observer qu'un certain type de système planétaire, ce qui nous a permis déjà de reformuler un certain nombre d'hypothèses sur la formation de notre propre système solaire. Quels sont les enseignements que l'on peut attendre avec un meilleur type d'observation? Quelles sont les leçons que l'on va pouvoir tirer grâce à ces nouveaux instruments, précisément sur la planétogénèse, sur la vie, la mort, l'organisation de ces systèmes planétaires? Qu'est-ce que la communauté astrophysique guette au premier chef, aurais-je envie de dire? Anne-Marie Lagrange, puis Jean Schneider sur cette question. Alors en fait, déjà ce qu'on sait grâce à ces 20 ans d'observation, c'est que la nature est extrêmement diverse. On a toute cette diversité dont on a un petit peu parlé, on ne la soupçonnait pas avant. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un résultat très important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a certainement pas encore totalement exploré. Et je suis sûre que les nouveaux instruments qui vont venir vont nous permettre de découvrir encore plus de diversité, de l'explorer, de comprendre. On a compris déjà un petit peu que vous avez parlé tout à l'heure du modèle de Nice, la genèse des systèmes planétaires, l'enfance des systèmes planétaires était quelque chose de très turbulente. Il se passe beaucoup de choses, les planètes peuvent se gêner les unes entre elles, certaines peuvent être éjectées vers l'étoile, d'autres éjectées du système. Donc c'est quelque chose de très très très très actif dynamiquement. Ça, on le savait pas vraiment avant. Donc ça fait partie des choses qu'on a apprises. Et après, avec les instruments comme le James Webb Space Telescope, les ELT, on va découvrir des nouvelles on va avoir, j'en suis convaincue, des nouvelles observations qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'imaginer. Jean Schneider, pour conclure. Je ne sais pas si c'est une conclusion. La notion de formation du système planétaire est naturellement naturelle, mais elle pose un problème. C'est que la formation, le temps caractéristique d'évolution du système planétaire, c'est quelques dizaines au minimum à quelques centaines de millions d'années. Nos observations pour un système donné durent, pour l'instant, ont duré 20 ans, elles vont durer 100 ans. Donc on a un instantané pour un système planétaire, un instantané à partir duquel on essaye de reconstituer une histoire. Et cette histoire, c'est une reconstitution un petit peu arbitraire. Toujours ce problème, effectivement, quand on parle d'exploration spatiale, de l'échelle temporelle et notamment de la recherche de la vie. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu en ce mardi 1er mai nous parler de l'état de nos connaissances sur les exoplanètes. Merci beaucoup, Jean Schneider. Merci, Anne-Marie Lagrange. Merci à nos camarades de France Bleu Isère à Grenoble pour le duplex. Et puis, voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille ce très joli livre qui s'appelle Exoplanète, tout simplement, de David Fossé, avec de magnifiques peintures illustrées, ce qu'on appelle des vues d'artiste, de l'artiste Manchou. C'est aux éditions Belin. Voilà, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Eve-Étienne, Céline Lausanne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Jacques Cazubert à la technique. Dans un instant, c'est la suite de la série documentaire Voyage en agnotologie, pays de la science et de l'ignorance, par Franck Cuveillé et Rafik Zénine, puisque c'est cette semaine que nous lançons le nouveau podcast de France Culture appelé Les Idées Claires, que j'ai le plaisir de présenter et de produire, un podcast de 9 minutes et une vidéo consacrée aux idées reçues, aux fake news et à l'état des connaissances scientifiques, justement pour lutter contre ces régimes de désinformation. Et puis tout à l'heure, du grain à moudre, présenté par Hervé Gardette, on ne serait pas mieux au bureau? Voilà une question qu'il est juste de poser un 1er mai. Et puis pour ce qui nous concerne, demain, alors que les aéroports de Paris s'apprêtent à mettre en œuvre des caméras à reconnaissance faciale, au même titre d'ailleurs que certains des récents téléphones dits intelligents, eh bien nous parlerons de l'ère de la biométrie. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.